Lettre 16e. Evelina à Monsieur Villard. Queen Street, jeudi 15 avril. Madame Duval arriva hier sur les 5 heures pour prendre le thé, et elle nous trouva encore à table. Que cela ne vous étonne point, on dîne ici fort tard. On lui fit ouvrir une autre chambre, et dès que le dessert fut apporté, on la pria d'entrer. Elle était accompagnée d'un Français qu'elle présenta sous le nom de Monsieur Dubois. Madame Mirvan les reçut tous deux avec sa politesse ordinaire, mais le capitaine témoigna de l'humeur, et après un moment de silence, il lui dit d'un air sévère : « Qui vous a prié de nous amener ce damoiseau ?»« Je ne sors jamais sans lui, » répondit-elle. Après une seconde pause, le capitaine se tourna vers l'étranger et lui dit en anglais : « Savez-vous bien, monsieur, que vous êtes le premier Français qui mette les pieds dans ma maison ?» Monsieur Dubois fit une révérence. Il ne parle pas l'anglais et ne l'entend guère, de sorte qu'il prit peut-être cette apostrophe pour un compliment. Madame Mirvan tâcha d'égayer la mauvaise humeur du capitaine, mais il lui laissa faire tous les frais de la conversation et resta étendu dans son fauteuil sans dire mot, excepté quand il trouvait l'occasion de lâcher quelques sarcasmes contre la nation française. Enfin, Madame Mirvan, voyant qu'elle ne réussissait point à nous faire passer une soirée agréable, proposa d'aller à Ranelagh. Madame Duval accepta la partie avec plaisir, et après quelques plaisanteries sur la dissipation des femmes, le capitaine y acquiesça également. Marie et moi, nous montâmes nous habiller. Bientôt après, on vint nous annoncer Sir Clément Willoughby. Il s'était introduit sous prétexte de s'informer de notre santé, et il se présenta avec l'air de familiarité d'une ancienne connaissance. L'accueil glacé qu'il reçut de la part du capitaine et de Madame Mirvan elle-même le décontenança cependant un peu. J'étais très embarrassé de reparaître devant cet homme, et je ne descendis que lorsqu'on vint m'appeler pour prendre le thé. Je le trouvais profondément engagé dans un entretien avec Madame Duval et le capitaine sur les mœurs françaises, sujet qui paraissait l'absorber, au point qu'il ne fit pas attention à moi lorsque j'entrais dans la chambre. La conversation fut poussée avec chaleur. Le capitaine défendit la supériorité des Anglais à tous égards, et Madame Duval s'opiniâtra à leur disputer jusqu'aux moindres avantages. Sir Clément employa à la fois les armes du raisonnement et du ridicule pour appuyer et pour renforcer tout ce qu'il plut au capitaine d'avancer. Il remarquait qu'en combattant Madame Duval, il ne manquerait pas de gagner l'amitié du maître de la maison, et sa sagacité ne le servit que trop bien. Il eut bientôt lieu de se féliciter d'un succès complet. Dès qu'il me vit, il me salua respectueusement et me demanda si j'étais remise des fatigues du rideau tôt. Une légère inclination de tête fut toute ma réponse. J'étais encore honteuse du souvenir de cette aventure. Il retourna à la dispute et il la ménagea si bien, tantôt en agaçant Madame Duval, tantôt en soutenant les raisons du capitaine, que je ne pus m'empêcher d'admirer son talent en blâmant sa finesse. Madame Mirvan, craignant l'issue d'une querelle aussi échauffée, essaya plusieurs fois de détourner la conversation. Elle y aurait réussi peut-être sans l'entremise de Sir Clément, qui, par son humeur satirique et mordante, avait entièrement captivé les bonnes grâces du capitaine. Madame Duval succomba sous les efforts réunis de ses deux adversaires. Elle tremblait de colère. Madame Mirvan nous annonça enfin, à ma grande satisfaction, qu'il était temps de partir. Sir Clément se leva pour prendre congé, mais le capitaine le pria très amicalement d'être des nôtres. Il répondit qu'il avait déjà pris des engagements, mais qu'il y renonçait pour avoir le plaisir de rester avec nous. Il y eut quelques petits démêlés avant qu'on s'accordât sur les places. Madame Mirvan offrit sa voiture à Madame Duval, et elle proposa que les dames s'y missent ensemble. Cet arrangement ne fut point gréé par Madame Duval. Elle ne voulut point faire une aussi longue course sans cavalier, et témoigna sa surprise qu'une dame polie pût faire une proposition si anglaise. Sir Clément Willoughby dit que sa voiture l'attendait à la porte et il pria qu'on voulût bien s'en servir. Enfin, il fut décidé qu'on chercherait une remise pour M. Dubois et Madame Duval. Le capitaine et, à sa sollicitation, Sir Clément y montèrent avec eux. Madame, Miss Mirvan et moi, nous fîmes le chemin tranquillement à nous trois. Je ne doute pas qu'il ne se soit querellé en route, car, lorsque nous descendîmes à Ranelagh, ils parurent tous de mauvaise humeur. Nous fîmes nos parties. Tout le monde fuyait Madame Duval, excepté moi, Je ne la quittai pas un instant, et de peur que je ne lui échappasse, elle ne quitta pas mon bras de toute la soirée. Il y avait une foule prodigieuse, et sans les soins particuliers de Sir Clement Willoughby, nous eussions eu de la peine à nous procurer une loge avant qu'une moitié des assistants se fût retirée. On appelle loge des réduits voûtés qui sont destinés pour les parties de thé. Lorsque nous fûmes placés, quelques dames de la connaissance de Madame Mirvan s'arrêtèrent pour lui parler et l'engagèrent à faire avec elle le tour de la salle. Elle nous quitta, mais jugez quelle fut ma surprise quand je la vis revenir accompagnée du Lord Orville. Les dames continuèrent leur promenade et Madame Mirvan s'assit avec nous. Elle invita légèrement, mais avec politesse, le Lord à prendre le thé avec nous. Il accepta à ma grande confusion. Cette apparition me déconcerta de nouveau, comme tout ce qui me rappelle le souvenir du malheureux Ridotto. D'ailleurs, ma situation présente ajoutait encore à mon embarras. J'étais placé entre Madame Duval et Sir Clément, qui, je crois, n'était pas plus édifié que moi de l'arrivée du Lord Orville. Les disputes éternelles continuaient toujours entre le cabinet et Madame Duval, et je rougissais d'appartenir à des gens aussi mal élevés. La pauvre Madame Mirvan et son aimable fille n'avaient pas sujet d'être plus contentes. Dès que Mylord Orville eut pris sa chaise, il se fit un silence général. Sa présence nous gêna tous, quoique par des motifs différents. J'ignore par quelle raison il avait recherché notre société. Peut-être n'était-ce que pour voir si j'avais encore inventé quelque nouveau mensonge sur son compte. Ce fut Madame Duval qui rompit la première le silence. « Je suis choquée, » dit-elle, de ce que vos dames portent des chapeaux dans une assemblée aussi élégante que Ranelagh. Je n'en vois pas l'utilité. Cela leur donne un air commun. On ne connaît pas cette mode à Paris. » Sœur Clément. « J'avoue que je ne protège pas trop moi-même les chapeaux, et je suis fâché que les dames aient adopté une mode qui est une vraie attrape, car de deux choses l'une, ou le chapeau cache la beauté, ou il en fait chercher là où il n'y en a pas. Cette invention date sans doute d'une jeune coquette fantasque. » Le capitaine. Dites plutôt de quelque vieille sorcière ridée, qui avait encore envie de donner la chasse aux jeunes drôles. Madame Duval. Je ne connais pas vos usages en Angleterre, mais à Paris, l'âge n'empêche point une femme d'être considérée. Le capitaine. Est-ce que vous prétendez nous faire croire que là-bas, comme ici, on ne distingue pas les jeunes femmes des vieilles? Madame Duval. Non, monsieur. La nation française est beaucoup trop polie pour faire ces sortes de distinctions. Le capitaine. Elle en est d'autant plus sotte. Sœur Clément. Veuille le ciel que, pour notre propre intérêt, nous puissions nous faire à une aussi heureuse facilité. Le capitaine. Voilà, monsieur, une ridicule prière que vous adressez au ciel. On voit bien que vous n'êtes pas accoutumé à en faire souvent. Madame Duval. Eh bien, irez-vous commencer à présent une dispute de religion? C'est encore là une de ces incongruités à l'anglaise dont on n'a pas d'idée à Paris. Sœur Clément. Je le crois bien, où il n'y a plus de religion que de politique. Le capitaine. Mais que sont-ils donc ces gens-là? Il faut que nous sachions cela, Sœur Clément. Sœur Clément. La question du capitaine est serrée, et j'espère que votre réponse, madame, ne nous laissera rien à désirer. Le capitaine. Allons, madame, vite au combat. Contez-nous cela tout de suite, et ne perdez pas votre temps en préparatif. Madame Duval. Doucement, messieurs, je ne vous échappe point. Croyez-vous après tout que les Français manquent d'occupation? Je vous promets qu'ils en ont de tout genre. Le capitaine. Encore, à quoi s'occupent-ils, ces fameux messieurs? Citez-nous des faits. Jouent-ils? Boivent-ils? Sont-ils musiciens? Sont-ils palefreniers? Ou bien passent-ils leur temps à caresser les vieilles femmes? Madame Duval. Oh, quant à cela... Mais certes, je suis trop bonne de me donner la peine de répondre à ce tas de questions triviales. Ne me demandez plus rien. » Puis, se tournant à mon grand chagrin vers Mylord Orville, elle lui dit « De grâce, monsieur, avez-vous jamais été à Paris ?» Il se contenta de lui faire une révérence. « Et comment vous y êtes-vous plu, monsieur ?» Il sourit à cette question que Sir Clément appellerait serrée, et après avoir balancé un instant, il lui répondit néanmoins dans des termes qui marquaient son approbation. « Je pensais bien, monsieur, que vous en seriez content, car vous avez tout à fait l'air d'un galant homme. Quant au capitaine et à cet autre, comment peuvent-ils juger de ce qu'ils ne connaissent pas? Je suppose du moins, monsieur, en s'adressant à Sœur Clément, que vous n'êtes jamais sorti de votre pays. J'ai seulement été absent pendant 3 ans, répliqua sèchement sœur Clément. « Madame Duval, cela m'étonne, et je ne m'en serais pas douté. Je parie cependant que vous n'avez jamais voyagé qu'avec des Anglais. » « Le capitaine. Et avec qui donc, s'il vous plaît? Voudriez-vous qu'à l'exemple d'une certaine nation qui n'est pas à milieu d'ici, il eût rougi de sa patrie, pour que celle-ci eût à rougir ensuite de lui ?» Madame Duval. « Vous feriez fort bien vous-même de voyager. » Le capitaine. « Et à quel propos, je vous prie? Quelle utilité m'en reviendrait-il ? » Madame Duval. « Une très réelle. On ferait de vous un tout autre homme. » Le capitaine. « Vous voudriez peut-être que j'apprisse encore à faire la cabriole, à m'habiller comme un singe, à babiller votre baragouin français, que je poudrasse mes cheveux, que je me barbouillasse le visage de rouge, en un mot que je prisse pour modèle vos dignes compatriotes ?» Madame Duval. « Je voudrais, monsieur, que vous prissiez de meilleures manières, et surtout que vous vous accoutumassiez à parler aux femmes un langage moins bourru et moins gothique. » Monsieur, qui a été à Paris, en montrant Mylord Orville, vous dira combien vous y seriez mal reçu si vous vous avisiez de tenir des propos si grossiers. Il n'y a pas de perruquier, pas de savetier qu'une honte de vous. » Le capitaine. « Madame, je vous abandonne volontiers vos perruquiers et vos décrotteurs. Vous pouvez faire parade de leurs mœurs tant qu'il vous plaira, et je suis fort aise que vous les goûtiez tant. Mais quant à moi, je vous dirai avec cette même franchise qui caractérise vos conseils que je ne suis pas habitué à la société de ces messieurs. « Mesdames et messieurs, » interrompit Madame Mirban, « si vous ne prenez plus de thé, je vous invite de venir vous promener avec moi. » Nous nous levâmes sur le champ, Marie et moi, et Mylord Orville nous suivit. Les autres demeurèrent à disputer, et nous étions peut-être au bout de la salle avant qu'ils s'aperçussent de notre absence. Comme l'époux de Madame Mirban avait eu tant de part à la contestation, Mylord Orville s'abstint de gloser sur cette scène indécente. Il n'en fut plus question le moment d'après, et la conversation prit enfin un ton d'honnêteté et de gaieté. Je m'y serais intéressé avec plaisir si j'avais pu oublier le rideau tôt. Je savais que le lord était en droit de me reprocher une sottise. Je brûlais d'envie de lui faire mes excuses, et il me fut impossible de prendre sur moi de lui parler d'une aventure dans laquelle je m'étais exposé avec tant d'imprudence. Bien plus, j'osais à peine ouvrir la bouche pendant tout le temps de notre promenade. J'étais sûr qu'il avait pris mauvaise opinion de moi. Cette idée me poursuivait sans cesse et me faisait craindre qu'il n'interprétât mal tout ce que j'aurais pu dire. Ainsi, au lieu de mettre à profit une conversation qui, dans d'autres circonstances, m'aurait été infiniment agréable, je demeurais muette, triste et honteuse. Que d'embarras un seul faux pas ne m'a-t-il pas attiré? Si jamais je retombais dans la même faute, oh, je ne mériterais la plus sévère punition. Nous fîmes trois ou quatre fois le tour de la salle avant que le reste de notre société vînt nous joindre. Ils étaient toujours également querelleurs, ce qui engagea Madame Mirvan à se retirer sous prétexte d'être fatiguée. Elle en fit la proposition qui fut unanimement acceptée. Mylord Orville nous demanda nos ordres, mais nos cavaliers ayant décliné ses offres, il se mit d'une autre coterie et nous entrâmes dans une antichambre pour attendre nos voitures. On convint que nous retournions en ville de la manière dont nous étions partis pour Anlag. Madame Duval monta donc dans sa remise, mais elle n'y fut pas plus tôt qu'elle jeta un grand cri en sautant à terre et se plaignant qu'elle était mouillée de part en part. En effet, la voiture avait beaucoup souffert du mauvais temps qu'il avait fait toute la soirée et la pluie y avait pénétré je ne sais comment. Madame Mirvan, Marie et moi, nous nous servîmes, comme auparavant, de l'équipage du capitaine. Dès qu'il fut instruit de cet accident, il eut la politesse de s'emparer de la place qui était vacante dans notre voiture, sans se mettre en peine de Madame Duval ni de M. Dubois. Sœur Clément Willoughby avait sa voiture qui l'attendait. Je demandai d'abord la permission de céder ma place à Madame Duval, et je fis mine de mettre pied à terre. Mais Madame Mirvan m'arrêta, en remarquant que ce serait m'exposer à retourner seul en ville, soit avec l'étranger ou avec Sœur Clément. « Ne vous inquiétez point de notre vieille, » s'écria le capitaine. « Elle est à l'épreuve de la pluie, je réponds d'elle, et d'ailleurs, comme nous sommes tous anglais, elle ne risque pas de rencontrer pire que nous. »« Je ne prétends pas la protéger, » répondit Madame Mirvan, « mais comme elle appartient à notre parti, il serait de la dernière indécence de l'abandonner dans un tel embarras. »« Peste, » reprit le capitaine, que l'accident de Madame Duval avait mis de fort bonne humeur, « Si un de ces vilains Anglais lui faisait quelque honnêteté, ce serait un coup de poignard pour elle. Madame Mirvan l'emporta cependant, et nous descendîmes tous pour attendre que Madame Duval fût pourvue d'une autre voiture. Nous la trouvâmes avec M. Dubois au milieu des laquais, occupée à essuyer son négligé, qu'elle disait être d'une étoffe de lion d'un nouveau goût et auquel elle s'intéressait beaucoup. Sir Clément Willoughby lui offrit son équipage, mais elle était trop piquée de ses railleries pour l'accepter. Nous attendîmes longtemps, sans qu'on pût se procurer une autre remise. Enfin, le capitaine consentit à accompagner Sir Clément, et nous montâmes toutes quatre dans le carrosse de Madame Mirvan. Madame Duval demanda avec instance qu'on y accordât une petite place à M. Dubois, et le capitaine se prêta à cette complaisance seulement pour se débarrasser de cet étranger. Notre voiture prit le devant. Nous fûmes tous taciturnes et d'une humeur sociable, car les difficultés qu'exigeaient ces arrangements avaient ennuyé et fatigué tout le monde. Nous continuâmes notre chemin sans dire mot, mais notre silence ne fut pas de longue durée. À peine étions-nous à 30 pas de Ranelagh que la voiture se brisa et nos voix se firent entendre toutes à la fois. À en juger par nos cris, je suis sûr qu'il n'y eut personne qui ne nous crût blessés à mort. Le cocher arrêta, les domestiques accoururent à notre secours et nous descendîmes tous sains et saufs. Il faisait nuit et il pleuvait. Aussitôt que je mis pied à terre, je me sentis soulevé par Sir Clément Willoughby. Il me demanda la permission de me secourir, et sans attendre ma réponse, il m'emporta dans ses bras à Ranelagh. Il s'informa avec beaucoup de zèle si j'étais blessé. Je l'assurai que je ne m'étais pas fait le moindre mal, et je le priai de me quitter pour rejoindre le reste de notre société, dont j'étais très inquiète puisque j'ignorais s'ils étaient tous échappés aussi heureusement que moi. Il me dit qu'il se croyait fort honoré de mes ordres, et qu'il courait les exécuter. Mais, me voyant mouillé, il me pressa d'entrer dans une chambre chaude. Il n'écouta pas mes objections et me força de le suivre dans un appartement où nous trouvâmes un bon feu et quelques personnes qui attendaient leur voiture. Je pris une chaise et je le priai de nouveau de se retirer. Il s'en alla en effet, mais il reparut presque aussitôt. Il me dit qu'il pleuvait à verse et qu'il avait ordonné à ses domestiques d'aller au secours des Mirvan et de leur porter de mes nouvelles. J'étais très fâché de ce qu'il n'avait pas pris cette peine lui-même, mais comme je n'étais pas fort lié avec lui, je ne voulus pas lui en faire des reproches, ni l'engager malgré lui à cette complaisance. Il approcha sa chaise de la mienne, et m'ayant demandé une seconde fois comment je me portais, il ajouta à voix basse « Miss Anville me pardonnera. Si le désir de me justifier me porte à saisir cette occasion pour lui faire mes excuses de la conduite extravagante que j'ai tenue au rideau tôt, soyez persuadée, mademoiselle, que j'en ai un regret sincère, et s'il m'était permis de vous avouer ce qui m'encourageait à... » Il s'arrêta. Mais je ne lui fis point de réponse. Je me rappelais la conversation dont Miss Mirvan avait été témoin, et je supposais qu'il me parlerait de la part que Mylord Orville y avait eue. Je n'étais guère curieuse d'entendre répéter ce récit. La suite de notre entretien me prouva en effet que je l'avais deviné. J'ignore quel était son dessein, à moins qu'il ne voulût se faire un mérite d'avoir pris ma défense. « Et cependant, continua-t-il, mes excuses ne serviront qu'à mettre au jour ma trop grande crédulité, mon défaut de jugement et de pénétration. Il ne me reste donc qu'à vous demander pardon et espérer qu'à l'avenir... » Dans ce moment, le domestique de Sir Clément ouvrit la porte et j'eus le plaisir de revoir le capitaine, Madame Mirvan et sa fille. « Oh ! » s'écria le capitaine, « nous voilà logés bien à votre aise. Mais nous allons vous chasser de vos quartiers. » « Venez, Lucie, Marie, approchez-vous du feu et séchez vos guenilles. Mais parbleu, où a resté notre vieille Française ?»« Bon Dieu !» m'écriai-je. « Madame Duval n'est-elle pas avec vous ?»« Avec moi ? Non pas, Dieu merci. » J'étais très alarmé de ce qu'elle pouvait être devenue, et s'il eût dépendu de moi, j'aurais été la chercher moi-même. On envoya de tous côtés des domestiques au-devant d'elle. Le capitaine ne cessa de nous dire qu'il fallait nous tranquilliser, et nous en fier au petit maître français qui en prendrait bien soin. Nous fûmes longtemps avant que d'avoir de ses nouvelles, et nous demeurâmes seuls dans la chambre. Mon inquiétude augmenta au point que Sir Clément en eut pitié. Il s'offrit d'aller lui-même chercher Madame Duval, et il allait se mettre en chemin lorsqu'elle entra accompagnée de M. Dubois. « Je sortais, madame, lui dit-il, pour vous chercher. » Vous êtes bien bon, monsieur, de venir lorsque le danger est passé. » Elle était dans un état effroyable, couverte de boue, depuis les pieds jusqu'à la tête, et dans une colère qu'il est difficile d'exprimer. Nous lui témoignâmes à l'envi l'intérêt que nous prenions à son désastre, mais le capitaine, fidèle à ses manières grossières, ne la vit pas plus tôt qu'il partit d'un grand éclat de rire. Nos soins et nos attentions l'empêchèrent de prendre garde aux insultes du capitaine, et grâce à son emportement et à sa détresse, il n'était pas difficile de la distraire. Nous la priâmes de nous informer de son accident. « Hélas, dit-elle, après que vous nous eûtes quittés, le pauvre monsieur Dubois. Mais il n'y avait pas de sa faute, car il est tout aussi mal accommodé que moi. » Tous les yeux se tournèrent alors vers monsieur Dubois, qui, tout tremblant de froid, se tenait au coin du feu pour sécher son habit. Le capitaine rit plus fort que jamais, et madame Mirban, faisant l'impossible pour occuper l'attention de madame Duval, la pria de reprendre le récit de son aventure, et elle continua ainsi. Nous voulûmes nous en retourner par la pluie, et M. Dubois eut l'honnêteté de me soulever dans ses bras pour m'aider à traverser un endroit où il y avait de la boue par-dessus le talon. J'ai payé bien cher cette politesse, car au beau milieu de ces ordures, que n'en étais-je à 50 lieues, je ne sais comment il s'y prit, je ne suis pourtant pas si pesante, mais enfin le pied lui glissa, je le suppose du moins, et nous tombâmes tous deux à la renverse. Plus nous faisions d'efforts pour nous relever, plus nous enfoncions, et mon négligé de soie est entièrement gâté. Nous sommes encore trop heureux d'être parvenus à nous relever, car vous vous êtes mis en peine de nous et personne n'est venu à notre secours. » Le capitaine, ravi en extase, courait de l'un à l'autre pour jouir en plein de leur détresse. Il poussait des cris de joie et, secouant rudement la main de M. Dubois, il le félicita d'avoir touché terre anglaise. Ensuite, il approcha une chandelle pour mieux examiner Mme Duval, et il déclara que de sa vie, il ne s'était si bien diverti. La fureur de Mme Duval était inexprimable. Elle arracha le chandelier des mains du capitaine, frappa du pied et finit par lui cracher au visage. Ce procédé parut les calmer tous deux. La joie du capitaine se changea en colère et la fureur de Mme Duval en crainte. Il est vrai que le premier s'annonça de manière à faire peur. Il saisit la pauvre femme par les épaules et la secoua avec tant de violence qu'elle cria au secours. Il n'y avait, ajouta-t-il, que sa vieillesse et sa laideur qui pussent lui épargner un traitement moins délicat. M. Dubois, qui jusqu'ici était demeuré fort tranquille près du feu, se mêla enfin de la partie et éclata en plainte contre le capitaine. On fit peu d'attention à ce qu'il disait, et d'ailleurs on ne le comprenait pas. Madame Duval se soulagea par un torrent de larmes. Après que nous les eûmes séparés, je la priai de permettre qu'une des servantes de la maison l'aidât à sécher ses habits. Elle y consentit et nous prîmes, pendant cet intervalle, toutes les précautions possibles pour la préserver du froid. Dans cette situation désagréable, nous attendîmes près d'une heure avant qu'on pût trouver une voiture, et ensuite nous partîmes dans le même ordre dont on était convenu avant notre accident. Je ferai une visite ce matin à la pauvre Madame Duval pour m'informer de sa santé, dont je serais inquiète si sa constitution ne me paraissait des plus vigoureuses. Adieu, mon cher monsieur, jusqu'à demain. »